après-midi, je vous propose de travailler autour de la femme sur les chantiers. En général, les chantiers cathédrales, mais aussi les chantiers de laïcs. Un thème assez peu exploré, il faut le dire, dans l'historio, en tout cas sur le domaine catalan. Alors, on a pourtant des sources qui existent, qui souvent sont très annexes hein, dans les études, parce qu'on a le vieux poncif que la femme n'a pas pu vraiment travailler sur le chantier à cause de sa force physique un petit peu défaillante, disons. Ce que l'on peut remarquer dans le cas de Gérone, c'est que non seulement elle n'était pas absente des chantiers, mais elles étaient même présentes tout au long du siècle et dans tous les métiers du bâtiment, ce que je vous propose de développer cet après-midi. La présence des femmes bâtisseuses n'est pas une spécificité locale, elle a été attestée dans bien d'autres endroits, sur bien d'autres chantiers, mais on voit qu'il y a quand même dans les sources une rupture forte entre les sources émanant de la comptabilité des fabriques, où là elles apparaissent, et les actes professionnelles, les actes des métiers, où là elles sont absentes. En tout cas, elles n'en sont pour moi une réalité de la vie artisanale urbaine. Donc, dans le cas de Gérone, la trace documentaire est attestée donc par les comptes des fabriques locales, en particulier les comptes de la cathédrale Santa Maria, des comptes qui sont presque complets entre 1370 et 1500, à quelques années près, et puis ceux d'une autre église collégiale, San Filiu, qui ont été ressortis il y a juste 2 ans, qui avaient disparu des archives et donc que j'ai pu consulter assez récemment. Alors, en dehors de cette documentation comptable, on a d'autres enseignements extraits des actes de la ville municipale, donc les divers tailles de la ville, j'en ai une trentaine pour le 15e siècle, les statuts et ordonnances des métiers, et puis donc les actes notariés, et en particulier 123 testaments, ayant un ouvrier du bâtiment soit comme testateur, soit comme familier du testateur. Et en bref, ces traces documentaires nous permettent d'appréhender les destins et statuts des femmes œuvrant sur les chantiers, d'abord en étudiant les marques et formes de leur présence, comment on les voit, comment elles apparaissent, puis donc en s'interrogeant sur leur fonction et leur statut à l'intérieur même du chantier, que faisaient-elles, ainsi que dans les corps de métier. Et puis j'ai voulu également travailler leur rôle dans la société artisanale, voir quels étaient les rapports sociaux qu'elles pouvaient développer. Donc, des traces, certes souvent ténues, mais il est bien difficile d'en extraire des profils. Par exemple, la grande question, était-elle mariée ou veuve? Souvent, on ne peut pas trouver réponse au travers de cette documentation. La question que j'ai essayé de me poser pour répondre à la thématique du jour, c'est: est-ce que l'entreprise est affaire de couple dans le bâtiment, ou peut-elle être pérenne à la suite de la rupture de celui-ci? On va voir si je parviens à répondre. Alors, je vous propose tout d'abord de nous interroger de manière générale sur la spécificité du droit catalan en matière de reconnaissance du statut des femmes, parce qu'il y a quand même quelque chose, 2-3 éléments à placer. Donc, la femme est mariée pour être socialement admise, ça n'a pas de grande nouveauté. Le cas de l'épouse n'est donc pas le plus compliqué à gérer. Et on verra plus tard, elle peut tout à fait exercer aux côtés de son mari une activité salariale dans son secteur professionnel ou dans un autre. Mais c'est le cas du statut de la veuve qu'il me semble plus intéressant d'aborder. Alors, depuis la constitution des Cortes de Perpignan de 1351, les veuves catalanes ne reçoivent à la mort de leur mari que leur dot, avec un augment d'environ la moitié de la valeur de la dot, sans aucun autre droit sur le patrimoine du mari. Sauf si le mari, par testament, évidemment, lui lègue un bien, encore que bien souvent, ce legs s'accompagne d'une clause restrictive de chasteté et de non-remariage. Bon, alors, la coutume urbaine catalane ne laisse en général pas à la veuve la jouissance des biens du mari en usufruit, pas même le logis. Elle ne dispose que d'une seule année de deuil Et ensuite, elles sont gentiment mises à la rue par une belle famille peu encline à la compassion. Cependant, donc, la spécificité institutionnelle de la Catalogne existe, c'est ce qu'on appelle la tenuta, qui permet à la veuve de bénéficier des biens du mari tant que sa dot, son augment et ou les legs éventuels ne lui sont pas payés. Donc cette courte mise au point juridique peut peut-être avoir son importance pour mieux comprendre plus tard, par exemple, la spécificité de ces femmes artisans à la tête d'un atelier, hein, qui sont peut-être donc, suite à ce statut d'usufruitière par tenuta. Ou alors, et ça c'est encore une chose que l'on rencontre, elles ont une charge en tant qu'éducatrice de l'héritier qui aura la charge de l'atelier. Et tant que l'éducation professionnelle de cet héritier n'est pas achevée, elles peuvent être à la tête de l'atelier. Donc, ces femmes apparaissent dans les actes, elles laissent des traces dans l'écrit, c'est-à-dire sont souvent nommées. Et c'est la première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, parce que la forme de dénomination de la femme dans les actes de la vie urbaine est une bonne entrée en matière pour s'interroger sur le statut et la reconnaissance hein, de la femme artisan. Alors, il y a principalement quatre manières de nommer une femme dans les comptes des fabriques et dans les actes civils. Alors le plus simple, c'est de l'appeler femme. Voilà, tout simplement, sans mention ni d'un nom, ni d'un prénom, ni d'un métier, ni quoi que ce soit, ni même d'un parent. Alors, il faut bien voir que cette façon de la nommer ne relève pas d'un quelconque sexisme, parce qu'on trouve également l'habitude pour les procurateurs d'appeler un homme, un Valencien, un Noir, etc. C'est une façon pour eux de nommer la masse des sans-grades, des non-qualifiés, de la main-d'œuvre occasionnelle en général, non-experte et non-connue, hein, connue dans le sens, voilà, connue du procurateur. Le procurateur, par cette forme, femme, souligne quand même le caractère passager hein, de cette main-d'œuvre auquel on ne s'attache absolument pas. Et il est vrai que cette main-d'œuvre ne travaille en général que quelques jours, voire des demi-journées hein, sur le site, sur le chantier. Alors, citons par exemple dans les comptes du chantier de Sainte-Féliu, le procurateur paye les manœuvres et les femmes pour faire le nettoyage. Donc, vous voyez que c'est un bloc qui est complètement déterminé, ajoutant donc à l'anonymat des ouvriers et ouvrières le traitement de groupe. Hein, on a même pas le détail du nombre d'ouvriers. Alors, deuxième forme, les femmes sont nommées, et c'est le plus général, par la formule « Na » ou « Madonna », plus leur prénom. Alors, c'est un signe de respect qui est généralement constaté dans les comptes, mais aussi dans les actes municipaux, comme par exemple les levées de taille. C'est la forme standard, si vous voulez. Ensuite, on trouve une forme très répandue et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la structure où la femme est dénommée en fonction d'un homme. C'est-à-dire que ce soit son père, son mari, son beau-frère, on va l'appeler Madonna, plus prénom, plus épouse de, fille de, bru de, etc., plus le nom et le métier de l'homme. Et ça, c'est la forme courante dans les contes, et on trouve une forme simplifiée de cette dénomination avec le « de » ou « den », qui souligne l'appartenance de la femme. Donc on va avoir une Johanna den Johan, c'est-à-dire vraiment la Johanna de Johan qui souligne en tout cas sa dépendance vis-à-vis de l'homme cité. La présence de la femme sur le chantier étant ainsi validée par son lien familial à un homme qui sert dès lors de caution à cette femme dans le monde professionnel. Alors je résisterai quand même pas à un splendide contre-exemple, hein, un certain Anthony, mari de Lucia Chartière. Donc voilà, ça montre quand même que l'entrée se fait dans les deux sens. Alors, dernier point, j'ai des cas rares, mais cependant présents et attestés, ce sont des femmes nommées telles les autres artisans, par une structure nom, prénom, plus nombre de métiers féminisés, comme là je vous ai parlé de Lucia Chartière. On trouve ainsi donc des tailleuses de pierre, des manœuvres, des chauffournières, des peintres. Tout le spectre des métiers est représenté, ou presque. Les seuls qui n'apparaissent pas sont des charpentières. Le travail du bois étant de toute façon un travail d'élite hein, qui n'est pas donné à tous. Donc, ces femmes semblent avoir obtenu un niveau d'indépendance reconnu par les autorités de la fabrique, à défaut donc du droit, comme on l'a cité plus haut. Alors, cependant, j'aimerais juste continuer sur la présence de ces femmes dans les documents en m'intéressant à une autre source, celle du testament. Aucune femme, hein, à l'heure où je vous parle et dans l'état de dépouillement des sources, hein, n'a rédigé son testament en flanquant son nom d'un nom de métier. J'en ai pas trouvé un, hein, surtout le. L'acte de tester n'est pas anodin, donc le comportement de ne pas mettre un métier derrière son nom est à souligner. Elles vont se dénommer, par contre, dans leur testament, vis-à-vis du mari et du métier du mari, même si celui-là est décédé. Hein, donc elles vont reprendre le métier du mari, même en cas de veuvage. Alors, elles héritent peut-être de l'atelier, en possession franche ou non, ça reste à voir, mais pas du titre, en tout cas, ne le revendiquent pas comme tel. Et on peut même s'interroger sur l'excessive discrétion vis-à-vis de leurs activités professionnelles. Aucun legs féminin, par exemple, d'outils, de fours, d'ateliers, de quoi que ce soit, des boutiques. Elles partagent leurs biens meubles et immeubles en général, sans faire de détails, par exemple, sur une maison qui posséderait un four ou un puits ou une carrière. En fait, sans relief particulier pour ce qui leur a peut-être permis de vivre quand elles étaient veuves. Les seuls liens au métier qui apparaissent dans les testaments le sont par le biais des exécuteurs testamentaires ou des témoins, qui sont souvent d'ailleurs issus des métiers du bâtiment, hein, dans le cas qui nous concerne, et donc qui laissent à penser que même après un veuvage, elles gardent des liens forts avec l'ancien paysage social de leur défunt époux. Et également, le métier de la construction leur apparaît par le biais de dons à des fabriques. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que les ouvriers du bâtiment donnent très peu aux fabriques, ce sont souvent leurs veuves qui le font. Là, je dois dire que je ne veux pas pousser plus loin les conclusions parce qu'il est assez difficile de faire la part entre la pratique caritative et un lien particulier avec un chantier ou un autre. Alors, on peut se poser, se faire une première conclusion d'étape, hein, si j'ai envie de dire. Il semblerait donc qu'il existe deux catégories de femmes actives sur les chantiers. Une première catégorie de mères, épouses ou filles, qui travaillent pour aider à l'économie familiale, sans particulière qualification, et qui se louent ici, comme on se louerait au champ, ou en particulier dans les ateliers textiles gironnais, très, très demandeurs en main-d'œuvre. Ce sont des bras. Un peu experte dans le métier, et donc assignée par les chantiers, les fabriques à des tâches très subalternes, sans particulièrement faire cas de leur aptitude ou leur expertise. Et puis, il y a quand même une seconde catégorie de salariés qui se dessinent, des femmes artisans, veuves, ayant alors hérité ou en tout cas ayant l'usufruit d'un atelier ou le co-gérant peut-être avec un mari, des femmes d'eux en fait. Qui ont acquis un savoir-faire suffisant pour mériter de la part des procurateurs une reconnaissance comme professionnelle à part entière, reconnaissance qui est cependant donc invisible dans la société civile. Alors, il se pose ici très naturellement la question justement de la reconnaissance effective de la part des professionnels, hein, des savoir-faire des femmes intervenant dans les métiers de la construction. Alors, la place des femmes dans les statuts professionnels est assez variée. On les trouve dès le XIIIe siècle à Paris, par exemple, hein, dans les corps de métier, mais par exemple à Montpellier, elles sont complètement absentes, hein, elles disparaissent. Alors, dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas de trace de documentaire de femmes dans les métiers des bâtiments dans ces deux villes. Pour Gérone, le XVe siècle voit une évolution intéressante, c'est la mutation de la confrérie en confrérie de métier. En 1400, par exemple, on a les statuts d'une confrérie, la confrérie de Sainte-Narcisse, qui mentionne sans aucune différence les confrères et les consoeurs. Et on a une liste exhaustive des membres, hein, qui sont quand même séparés. Hein, on a la liste des hommes, la liste des femmes, mais on voit que c'est une confrérie qui est assez équilibrée quant au nombre hein, des représentants masculins et féminins. À partir de 1419, cette confrérie va évoluer vers une confrérie de métiers. Elle va se muer en la confrérie des quatre saints martyrs qui regroupe les tailleurs de pierre, les charpentiers et les arbalétriers. Alors, c'est un fait assez intéressant parce que là, on a une espèce de, une sorte d'étape intermédiaire avant le métier complètement institué qui apparaîtra vers 1480. Parce que là, donc, on a quand même un métier hein, qui est clairement une définition professionnelle des membres, mais les femmes sont encore acceptées puisque la confrérie, par le privilège d'Alphonse le Magnanime, donc de 1419, est ouverte à, je cite, tous les tailleurs de pierre, les charpentiers, les ébénisteriers, aux hommes et aux femmes désireux d'entrer. Donc là, on a encore les deux qui peuvent participer. Cette même ouverture se rencontre encore en 1475, par exemple, dans la confrérie des maçons et plâtriers d'Aix-en-Provence. Alors là, on a un exemple intermédiaire qui disparaît complètement en 1480. Le privilège de Ferdinand le Catholique organise cette confrérie des 400 martyrs en réelle confrérie de métier. Et là, plus de doute possible. Hein, ces statuts croisés avec les ordonnances de métier que l'on trouve dans les délibérations municipales confirment que les femmes ne sont plus reconnues par la profession. La définition des hommes qui est mentionné, donc est très clair. La confrérie accepte les hommes experts dans les dix arts. Pas de femmes expertes, donc ici. Là, on a également en 1482 une ordonnance qui nous explique que cette confrérie ne doit pas accepter les hommes malhabiles et inexperts. Donc le terme de femme disparaît complètement et donc fort à parier que les femmes avec. Donc les femmes n'ont plus accès à la reconnaissance du métier et donc en aucun cas au grade quelconque, au grade de maître, ni même d'apprenti. Elles ne peuvent plus donc passer par une formation légale. La formule confrère et consoeur que l'on pouvait trouver encore dans certains actes semblerait plutôt une ritournelle, une rhétorique visant l'universalité plutôt que dans la pratique quelque chose une reconnaissance de la femme. Bon, on est très loin pour dans ce cas-là, peut-être de cas que vous connaissez, par exemple les chantiers allemands hein, où les femmes sont reconnues comme professionnelles par les métiers et les structures de métiers. Bon, là, on en est très loin. Alors, de fait, la pratique des procurateurs des comptes de fabrique de Gérone de qualifier la femme travaillant avec un nom de métier l'aurait très personnel et ne correspond en rien au cadre professionnel du métier. C'est vraiment le procurateur qui a cette pratique-là. Et par exemple, en nommant une femme manœuvre ou chauffournière, le procurateur reconnaît un savoir-faire, peut-être une expérience. C'est peut-être aussi pour lui une autre façon de se repérer dans sa comptabilité, hein, pour classer les ouvriers, mais en aucun cas, c'est une reconnaissance professionnelle. Et on s'en rend bien compte parce que, par exemple, dans les sources notariales, aucun contrat nommant explicitement une femme comme professionnelle du bâtiment, c'est-à-dire en apposant un métier à son nom, n'existe pour le XVe siècle gironnais. Et de même, donc sur les 68 testaments du XVe siècle de femmes d'ouvriers du bâtiment, dont 38 veuves, pas de qualification professionnelle, on l'a déjà dit, ni outils, ni matériaux. Et quant aux ouvriers eux-mêmes, les 55 actes testamentaires ne mentionnent jamais un don ou un legs d'outils ou de matériel professionnel à leurs femmes. Hein, donc c'est bien que quelques outils vont repasser par le métier avant d'être distribués et en aucun cas n'iront directement à la femme. Alors, cependant, il faut noter qu'on a des contrats d'apprentissage où la maîtresse est une femme. Là, on peut raisonnablement penser que la femme veuve finisse en fait l'apprentissage qui avait été commencé par son mari, mais ne peut pas, elle, signer évidemment un contrat d'apprentissage en tant que maîtresse réelle du jeune. Bref, on va quand même noter un contre-exemple. Dans les statuts de Carpentras, qui s'inspire des statues de Carpentras, qui tendent à montrer que la femme apparaît dans les confréries car elle joue un rôle dans les cellules artisanales. En effet, à Carpentras, les veuves continuent à exercer le métier de leur mari quand elles le désirent sous le nom de celui-ci. C'est-à-dire qu'elles elles se gomment complètement et continuent à garder le nom du mari. Alors ceci expliquerait peut-être, si appliqué au cas de Gérone, que nous n'avons pas trouvé de traces de femmes dans les contrats. Celles-ci utilisant le droit de travailler sous le nom de leur mari ou utilisant peut-être un système de sous-traitance, en particulier par exemple en demandant à un salarié de l'atelier de leur mari d'être le porteur officiel de l'apprenti ou le contractant officiel. Alors, dans les tailles du 15e siècle, levées par la municipalité de Gérone, on trouve cependant deux femmes qui portent leur propre nom pour travailler, qui se désignent par une profession au féminin. Donc on a Dominga, qui est vitrière en 1493, et Vicenza, qui est peintre, qui vit dans la même rue d'ailleurs en 1497. Alors, évidemment, vous imaginez mon excitation quand j'ai trouvé ces deux femmes, mais en allant plonger dans le notariat sur cette décennie-là, aucun contrat à leur nom. Aucune embauche dans une fabrique dont la comptabilité nous est connue. Donc, elles font probablement leurs affaires sous le nom de leur époux, que j'ai trouvé dans les actes notariés. Ou peut-être d'un salarié, et là, donc, de fait, elles disparaissent complètement. Donc, elles existent administrativement sur leur propre nom, mais ne font pas d'affaires, ne signent pas de contrat sous leur nom. Mais elles affichent sereinement leur profession quand on leur demande. Alors, il est quand même remarquable de souligner que ces deux femmes pratiquent des métiers qui ne sont pas constitués en organisation professionnelle. Ni les peintres, ni les vitrines ne sont non d'organisation professionnelle. Donc, elles auront donc une certaine liberté. La confrérie de métiers ne les brimant pas dans le port du titre. Par contre, comme je vous l'ai dit, au contraire, on ne peut pas constater de présence de femmes tailleuses de pierre portant nom et profession. Cette absence, donc, serait justifiée par le fait qu'il y a des statuts légaux, des statuts professionnels, qui leur empêchent de porter ces noms-là. Alors, cependant, il ne faut quand même pas réduire au silence la femme dans le cas de métier constitué, parce qu'elles apparaissent comme étant gestionnaires pour leur mari, de l'atelier, de la boutique ou de l'équipe de travail. C'est souvent elles qui, dans les comptes, vont venir percevoir le salaire, vont venir négocier avec le procurateur. Et ça nous expliquerait qu'en fait, alors on nous explique, les procurateurs nous expliquent qu'elles viennent au nom de leur mari pour récupérer des impayés, etc. Et donc, elles sont au cœur du fonctionnement administratif, du contact client, si vous voulez, de la boutique ou de l'atelier, et elles apparaîtraient dès lors, même dans des métiers qui ne leur permettent pas de porter le titre. Elles ont donc des rôles actifs. Alors, observons, une fois qu'on les a vues un petit peu de transparaître comme ça dans les sources, j'espère qu'on va un petit peu s'attarder sur leur place sur les chantiers. Alors, on trouve énormément de traces de femmes travaillant, surtout dans les comptes donc des fabriques. Alors le cas est notable à Gérone parce que les femmes n'apparaissent pas toujours dans les grands chantiers ecclésiastiques, comme par exemple les chantiers de la cathédrale de Mariorca, de Tortosa ou de Murcia qui se développent à la même époque. Il n'y a aucune femme qui travaille sur ces chantiers. Par contre, et assez paradoxalement, aucune femme sur des chantiers laïcs. Sur les murailles, sur la voirie, rien. Aucune femme, ce ne sont que sur des chantiers ecclésiastiques. Alors, je m'étonne un petit peu de cette situation parce que, par exemple, pour faire une muraille, on a besoin de très peu de qualifications. C'est un travail technique assez simple. Et justement, les chantiers laïcs sont souvent caractérisés par une main-d'œuvre peu experte, assez bouchante, beaucoup de turnover de main-d'œuvre. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que les femmes soient là, et non pas sur un chantier de cathédrale qui demande une forte technicité eh bien, si contre toute attente, elles sont plutôt sur la cathédrale que sur les murailles. Alors, quelles sont donc les activités exercées par les femmes sur les chantiers gironnais, ben, disons-leur clairement, comme je vous l'ai dit, toutes les activités, sauf les métiers du bois, mais donc là, c'est pas étonnant. Par exemple, sur le chantier de San Filio et donc de Santa Maria, elles dégagent les gravats, portent les pierres, mettant là d'ailleurs à mal définitivement l'argument de la faiblesse physique, hein, qui explique l'absence supposée des chantiers. Alors, elles portent des pierres ou des gravats à dos d'hommes, enfin bon, à dos de femmes, ou avec des bêtes qui sont leurs propriétés. Ce ne sont pas les bêtes du chantier. Hein. Elles viennent vraiment avec leurs mulets pour porter les bêtes. C'est par exemple la femme de Miralpech qui transporte des pierres depuis la carrière de la cathédrale pendant 9 jours en 1461, avec une ou deux bêtes, hein, c'est selon la taille des pierres transportées, et pour le même salaire qu'un homme. Là, il y a une parité parfaite. Alors, elles vont également faire du mortier. On va les trouver comme à la taille des pierres, hein, de façon très classique. Elles sont aussi au mortier. Alors, il apparaît que les métiers liés à l'eau sur ces chantiers sont une certaine spécificité des femmes. Elles transportent l'eau pour le mortier. Alors, même si cette tâche paraît anodine, elle est loin d'être facile parce que dans le cas de la cathédrale, le puits est sur le chantier. Dans le cas de San Filio, il faut qu'elle descende à la rivière et qu'elle remonte, c'est en pente pour ceux qui sont déjà allés à Gérone. Et parce que la transformation de la chaux vive en chaux grasse demande un savoir-faire, vraiment un doigté très fin, qui conditionne la qualité du mortier et donc sur lequel on est intransigeant en matière de qualité. Alors on pourrait voir dans cette savante technique de dosage un savoir-faire acquis en cuisine, hein, je vous laisse le juger, mais en tout cas c'est assez frappant de voir que quand il y a une femme, systématiquement elle va s'occuper du mortier. Elles sont enfin, dernier point, elles fournissent les matières premières, elles fournissent des animaux de bas, elles fournissent des matières, des fournitures diverses, des paniers, des cordes, etc. Et certaines apparaissent même dans des métiers de prestige qui nécessitent boutiques et ateliers en dehors du chantier, donc sont vraiment prestataires. Donc on a déjà rencontré la vitrière et la peintre, mais par exemple il existe des maréchales ferrants. Il faut apparier d'ailleurs dans le cas de la maréchale Ferrand qu'elle soit veuve et continue à diriger l'atelier marital, ce qui expliquerait que le nom du mari n'apparaisse pas dans leur dénomination. Alors, elles vont venir seules ou avec des apprentis et des manœuvres à elles. Hein, en tout cas, on va clairement voir qu'elles louent leurs salariés sur le chantier. Donc, on va avoir ainsi un Lorenz apprenti de Madonna Adroera. Et donc, c'est vraiment Lorenz de Madonna Adroera. Là, il n'y a aucun homme qui apparaît. Donc, cet exemple apparaît en 1412. Mais donc, comme je vous l'ai dit, ce ne sont que les procurateurs qui reconnaissent cette appartenance, aucun contrat d'apprentissage n'étant là pour soutenir le lien maîtresse-apprenti. Elles sont donc partout, mais pas tout le temps. La principale caractéristique de l'activité professionnelle féminine sur les chantiers, c'est que cette activité est fortement conjoncturelle et ponctuelle. En d'autres termes, les femmes travaillent quand il manque d'hommes ou quand la situation économique est extrêmement tendue et qu'elles doivent, en plus de leurs activités quotidiennes, traditionnelles, trouver d'autres espèces sonnantes et trébuchantes pour gonfler le budget, la bourse familiale. Par exemple, pour le chantier de San Filio, on trouve des femmes uniquement à la fin du XIVe siècle, hein, en situation de pénurie de main-d'œuvre liée à la crise démographique et économique bien connue, cas que l'on retrouve par exemple à Barcelone ou à Lleida, hein, au même moment. On a vraiment une main-d'œuvre féminine qui apparaît à ce moment-là. L'explication conjoncturelle d'ailleurs, et si vous me permettez la parenthèse, prévaut sur celle un peu romantique qu'on a pu lire dans certains articles catalans, de femmes travaillant sur un chantier par pure dévotion pour l'amour de Dieu. Là, c'est vraiment pas le cas. Les femmes apparaissent également lors des grandes phases constructives, les grands booms qui nécessitent énormément de main-d'œuvre. Par exemple, à la cathédrale, lorsqu'il y a la construction de la nef unique, ils montent le premier tram de la nef en moins de 5 ans, pour des raisons politiques. Et là, toutes les femmes sont. C'est là que toutes les femmes apparaissent, presque. Hein, parce que là, on a vraiment besoin de monde et rapidement. De même, elles apparaissent lors des grands désordres de la fin du siècle, vers les années 1460, en particulier lors de la guerre civile, quand les hommes livrent bataille, elles sont capables, sans aucun problème, de les remplacer au pied levé. Donc, cette activité fortement conjoncturelle implique évidemment des activités qui ne sont pas pérennes dans le temps pour les femmes. Il n'y a pas de collaboration à long terme entre un chantier et une artisan. Elles interviennent parfois qu'une journée ou une demi-journée, comme je vous l'ai dit, puis disparaissent totalement pendant tout le siècle. D'autres interviennent de façon ponctuelle, on les retrouve, mais... oui, c'est vous. La stabilité n'est pas l'apanage de tous les bras qui se louent sans expertise, parce qu'on a par exemple des manœuvres non qualifiées que l'on va retrouver très longtemps des hommes. Hein. Donc c'est pas parce qu'elles sont pas expertes, c'est réellement parce qu'on voit que c'est une main-d'œuvre complémentaire avant tout. Cependant, ce n'est pas non plus le cas de tous les métiers féminins. Parce que certaines femmes qui fournissent en matière première, ou certaines brodeuses, puisque la fabrique prend aussi en charge tout ce qui est liturgie, vont avoir des collaborations avec la fabrique très pérennes pendant plus de 25 ans. Et donc c'est bien la femme dans le cadre d'une fonction technique qui n'a pas un emploi stable. Le cas très particulier des ventes de fournitures et de matières premières, le rapport à la fabrique est quand même légèrement différent. On peut peut-être s'arrêter un peu là-dessus. Donc, fournir des matières premières nécessite d'être propriétaire de l'exploitation, propriétaire de la carrière, propriétaire du four à chaud, propriétaire d'un bois. Donc, par exemple, on a une Lorenza qui est chauffournière, qui vend à la cathédrale de la Chaux à partir de 1438. On peut encore citer une Francesca qui vend à partir de 1456 du chêne liège au chantier. Et la première, donc Lorenza, est clairement définie comme chauffournière. Et elle a une exploitation à son nom et elle vend la chaux de façon tout à fait régulière. Et il semblerait que cette activité soit son activité principale. Alors, cette Lorenza, si on s'arrête un petit peu sur elle, il est assez intéressant de noter qu'elle habite un quartier très particulier, le quartier de Pédrette, qui est à l'entrée de la ville et où se groupent tous les tailleurs de pierre et les chauffourniers de la ville. Et c'est le lieu de résidence d'une grande famille, les Lorenz, qui sont chauffourniers pendant 3 générations pour la cathédrale de Jérôme. Alors, tout porte à croire qu'elle est membre de cette famille et que Lorenza n'est que la féminisation du nom très connu des Lorenz, qu'elle utilise évidemment pour des raisons commerciales très claires. Quant à la seconde, donc Francesca, elle est présentée comme Madonna Francesca, et elle vend du chêne-liège qu'au mois de septembre, pendant une dizaine d'années. Donc elle, on voit très bien que ce n'est pas son activité principale, que c'est une façon d'arrondir un petit peu ses fins de mois, et qu'en septembre, elle va avoir ce petit rituel, mais qu'en aucun cas, elle est experte. Donc vous voyez, on a quand même deux parcours qui sont assez différents, mais celles qui fournissent les matières premières ont souvent cette spécificité. Autre exemple, par contre, celui de Madonna Antonia Mar, qui fournit des coins de fer, et donc qui demande une spécialisation technique très très forte. Et bien, elle fournit un matériel très particulier pendant de nombreuses années, mais elle n'est jamais qualifiée de maréchal ferrant. Elle a jamais le titre, contrairement à Lorenza. Bon. Alors, il est important de constater également que la majorité des femmes rencontrées sur les chantiers sont reliées par un lien de parenté avec un ouvrier déjà en place ou connu de la fabrique. On trouve aussi ainsi en 1460, à la cathédrale, sur le chantier, une Miraya d'Enmiraïès, Mireille de Miraïès, si vous voulez, manœuvre comme ce dernier et qui touche le même salaire que ses compagnons hommes. Alors, l'utilisation du den, qui est en général, donc je vous l'ai déjà mentionné, réservé aux jeunes ou aux apprentis, s'applique peut-être ici à celle qui est la fille du Miraïès, du dit Miraïès, dont la femme, d'ailleurs, à partir de 1456, se louait aussi pour le chantier, et elle se louait avec des mules pour transporter des pierres à la fabrique. Alors, c'est pareil, on reste un peu perplexe face au prénom de Miraya, qui semble être une version féminisée du nom de famille du père. En tout cas, cet exemple nous montre qu'on peut avoir une entreprise familiale avec de nombreuses représentantes féminines autour d'un ouvrier qui lui est la garantie, si vous voulez, professionnelle. Cet exemple est d'ailleurs doublement intéressant parce qu'en tant que femme, Miraya d'Enmiraïès touche exactement le même salaire que les hommes. Et si c'est vraiment la fille du dit Miraïès, en tant que jeune, l'exploit d'être au même niveau de salaire que les hommes est encore plus remarquable. Donc on a le clan professionnel qui peut s'élargir au dehors du binôme mari-femme. Sur le chantier de la cathédrale de la collégiale Saint-Filiou, par exemple, on paye également un tailleur de pierre pour son travail et celui de toute sa famille. Visiblement, c'est assez courant de venir avec l'intégralité de sa famille. Et donc on trouve en plus de la femme, les filles, les nièces, les brus, chose relativement normale puisque les ouvriers se déplacent aussi fréquemment avec leurs neveux, leurs gendres, etc. Ou leurs petits-fils. Donc celui qui n'a pas de descendants ou de collatéraux masculins viendra avec les filles de la maison. Contre-exemple, une femme apparaît comme étant parfaitement autonome. Il n'y en a qu'une qui apparaît comme n'ayant aucun lien avec un homme sur le chantier, une certaine Martoria Berneda, qui est manœuvre, qui touche le même salaire que les hommes en 1462 et qui n'a aucun lien de parenté avec qui que ce soit sur le chantier, en tout cas annoncé, et même par rapport à son nom, il n'y a aucun Berneda ou Berned sur le chantier, donc c'est la seule. Notons qu'elle travaille en même temps que 2 semaines. Alors, ce qui nous amène à nous poser la question des salaires, assez épineuse, il faut le dire. Alors, tout comme pour les hommes, la question de la variation des salaires est soumise à de nombreux critères, les tâches, la force, l'expérience, bon, la place dans le métier, mais qui ne se pose pas pour le cas des femmes. Il n'y a pas qu'une différence de salaire entre hommes et femmes. Entre femmes, il y a aussi des différences de salaire. On distingue 2 échelles de salaire, par exemple, sur le chantier de Saint-Féliu dans le dernier tiers du XIVe siècle. Donc le sexe n'est pas le seul critère de rétribution. En général, quand même, il faut constater des salaires féminins inférieurs à ceux des hommes. Donc une différence qui pourrait s'expliquer par une affectation différente aux différentes tâches du chantier. Mais pas toujours. Il est assez frappant, par exemple, de noter que sur le chantier de Saint-Filiou, les femmes touchent systématiquement la moitié du salaire des manœuvres, hommes à tâche égale. Il semble quand même qu'il soit excessif d'en faire une généralité, parce que, donc, on l'a vu plusieurs fois, souvent, les femmes touchent exactement le même salaire que les hommes, en particulier donc dans le cadre du chantier de la cathédrale Santa Maria. Et puis, parce qu'il est même difficile pour les hommes de comprendre parfois les variations de salaire à tâche égale, puisqu'on n'a pas toutes les informations sur l'âge, sur les difficultés physiques, etc. Donc le travail sur les salaires est très complexe. Donc le genre, en général, n'explique pas les variations de salaire, pas plus que l'âge ne pourrait le faire. Les explications peuvent être l'offre et la demande, tout simplement, la pénibilité, la tâche, le degré de qualification, la position hors du métier, ou la position du mari dans le métier, qui pourrait rejaillir sur le salaire de la femme. Mais bon, ces questionnements ne peuvent être que des pistes qu'il faut explorer, mais sans sources complémentaires, pour l'instant, il m'apparaît assez difficile d'y répondre. Alors, voyons enfin les femmes comme enjeu d'une stratégie professionnelle, parce que c'est aussi comme ça qu'elles apparaissent dans les sources. Donc, à défaut de jouer un rôle majeur ou à long terme dans les équipes des ouvriers qui travaillent sur le chantier, les femmes peuvent par contre être les clés de voûte de la pérennisation ou du développement de l'activité familiale dans le domaine du bâtiment. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, on peut dire que pour les métiers ayant boutique, atelier, infrastructure, hein, donc chaufournier, charretier, peintre, orfèvre, la femme relaie généralement le mari en termes de gestion de l'entreprise familiale, celle qui traite avec les clients, qui gère l'atelier, qui perpétue l'activité à la mort du conjoint. Mais il ne faut pas négliger le rôle de la fille dans la stratégie professionnelle de la famille. Les stratégies matrimoniales existent dans le cadre des métiers du bâtiment. Par exemple, dans le cas de Gérone, 25% des mariages, à peu près, conclus dans le monde des ouvriers de la construction, le sont entre personnes provenant de familles dont le bâtiment est la principale activité. Un peu moins de 15% des cas sont des mariages entre un ouvrier et une femme issue d'une famille exerçant exactement le même métier que lui. Alors, le comportement face au mariage semble différent entre les hommes et les femmes. Les hommes cherchent une alliance, hein, une stratégie professionnelle qui leur permet d'accéder au métier et d'accéder au rang de maître dans le métier. Et les fils ou gendres de maître vont bien plus vite dans cette progression au sein du métier. Par exemple, 36% des testateurs ont épousé des filles dont l'activité du père ou du frère est identique à la leur. Donc là, on voit qu'il y a quand même une volonté de rentrer dans le métier par le biais du beau-père. En revanche, les pères artisans du bâtiment ne semblent pas rechercher à tout prix le mariage de leur fille avec un autre ouvrier exerçant le même métier, mais plutôt avec une fille d'un ouvrier du bâtiment dans une activité annexe. Par exemple, un tailleur de pierre va chercher à marier sa fille avec un charretier. C'est bien plus intéressant, hein, ou quelqu'un qui a une carrière. Parce que comme ça, on a un bloc, hein, qui se crée, une espèce de concentration verticale de l'activité. Donc, épouser une fille de maître peut revêtir. Épouser une fille de maître peut revêtir son importance pour un fils. Pour une fille, là, on est sur une stratégie un petit peu plus complexe. Alors, la transmission du patrimoine professionnel, d'ailleurs, se fait essentiellement, évidemment, par le fils qui hérite de l'atelier et du savoir-faire du père et qui peut donc, lui, passer l'examen pour être le maître devant les représentants du métier. Et une alliance par l'intermédiaire de la fille ne semble pas être intéressante, sauf si le père n'a pas d'héritier mâle. En effet, donc, il faut aussi noter que de nombreux ouvriers du bâtiment ne sont que salariés et n'ont rien à transmettre à leur génération, à la génération suivante, à leur fils, pas même des outils, parce que bien souvent, ils ne sont pas propriétaires de leurs propres outils, c'est le chantier qui met les outils à leur disposition. Donc là, le mariage pour le fils peut être important parce que ce serait une façon justement d'acquérir rien que le minimum pour travailler. Donc on va appliquer la règle du mariage catalan, hein, qui est en général le mariage dans la même catégorie sociale plutôt que dans une endogamie professionnelle qui là ne se justifie pas. Donc, par contre, là où on a une activité professionnelle avec un atelier, un outillage spécifique, des infrastructures nécessaires, comme par exemple les charpentiers, ce qu'on appelle les maîtres de maison, hein, qui sont les maîtres d'œuvre, si vous voulez, des charretiers, des orfèvres, etc., bien, on voit que ces familles-là, sont plus enclines à réfléchir à une stratégie matrimoniale complexe. Alors, quelques exemples de ces familles qui cherchent à créer de véritables dynasties. Le fils de la famille Julia. Alors, Julia était maître majeur de la cathédrale. Il va épouser une Raphaëlla, qui est la fille du maître majeur précédent. Donc là, les deux maîtres majeurs ont marié fils et fille. Et on se rend compte que les fils sont un charpentier, l'autre sculpteur, et qu'ils vont épouser un une fille de Carrier, l'autre une fille de Chartier. Donc là, on voit bien qu'ils mettent, voilà, ils mettent main basse sur tous les chantiers qui peuvent bouger à Gérone, et de fait, c'est le cas. Hein, la famille Julia Agusti domine complètement le marché pendant une dizaine d'années. C'est également le cas de la famille Boët, dont le père et les trois fils sont tailleurs de pierre. Donc l'un des fils, Francesc, épouse une fille de Chartier, Margarita, créant là, bon, évidemment, une association assez utile producteur-transporteur. L'autre fils va épouser une fille de tailleur de pierre. Donc là, c'est intéressant aussi de renforcer un petit peu. Et enfin, l'exemple de la famille Cazelas, dont le père charpentier épouse en première noce la fille d'un charretier, puis obtient d'un second mariage deux fils qui seront tous deux maîtres de maison et qui profitent donc pleinement du patrimoine familial. Parce que là, de fait, voilà, ils peuvent réellement être entrepreneurs au sens large. En tout cas, donc il ne faut pas négliger la place des femmes dans ces comportements sociaux, même s'il faut se garder de les réduire à des simples monnaies d'échange. Hein. Elles sont plutôt là, moi, en tout cas je les analyse plutôt comme un trait d'union intergénérationnel entre un savoir-faire et un autre, jouant parfois même le rôle de gardienne du patrimoine technique et professionnel en cas de décès de l'artisan, veillant sur l'atelier en attendant donc le remariage ou que les enfants soient en âge de prendre la relève. Alors, pour conclure, il est clair que la femme n'est en aucun cas éloignée du monde professionnel, même sur un secteur dans lequel on l'attend peu, celui du bâtiment. Pas plus d'ailleurs dans le secteur du bâtiment que plus typiquement féminin, dans ceux du textile ou de l'alimentation, où là on est moins surpris de les trouver. Les femmes interviennent dans presque toutes les étapes du chantier, même si elles se concentrent davantage sur les phases de grosses œuvres. Hein, on ne trouve pas de femmes qui sont dans les... par exemple, sculpteurs. On n'en a pas trouvé. Certaines utilisent donc ces temps de travail comme des compléments financiers à d'autres activités professionnelles ou familiales, puisque je peux trouver par exemple des femmes qui apparaissent comme brodeuses et qui à un moment vont fournir de la chaux ou des clous. Hein, donc on voit bien qu'elles complètent une activité qu'elles ont déjà. Ou d'autres ben, en font leur activité principale, assistant ou prenant le relais de l'activité du mari. En tout cas, elles peuvent être des clés de voûte des stratégies professionnelles et participent à maintenir des clans de métiers, hein, soit en maintenant, en étant gardienne d'un héritage, soit en réellement étant les ouvrières hein, de fusion entre différentes familles. Alors, il est donc clair qu'elles côtoient les hommes de métier, les procurateurs des comptes, qu'elles vont aller négocier. C'est souvent elles qu'on envoie hein, pour aller négocier les contrats, pour aller réclamer les arriérés de paiement, etc. Et donc elles ne se cachent pas, elles ne cachent pas leur présence. Les procurateurs ne justifient pas la présence des femmes, mais c'est pareil, hein, ne semblent pas en faire quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit bien que c'est quelque chose de courant. Cependant, donc, elles ne sont pas accueillies au sein des organisations professionnelles, interdisant par là aux femmes une reconnaissance des savoir-faire, de l'expérience. Un protectionnisme des métiers qui s'observe aussi à l'égard des jeunes, hein, dont le père n'est pas membre ou des étrangers, hein, donc qui n'est pas non plus l'apanage d'un quelconque sexisme. Hein, c'est vraiment un comportement du métier. En tout cas, ça ferme définitivement tout espoir pour les femmes de se faire accepter comme une ouvrière à temps plein. Voilà. Merci beaucoup.